C'est la suite de la conférence de Bruno Cézanne sur la route, sur le chemin du mémorial, plutôt du Passages. Dans cet entre-deux, laissé pour compte. Hein? Eh oui, parce que... De nouveau, on récupère des entre-deux, des lieux abandonnés. Nazi helping Franco were experimenting their bombing of civilians by their little planes, the Stuka, you know. And so here, going to a memory of Benjamin and all that story, is it like Catalonia, which is also in rebellion against Madrid, the central power, like the Basque? So it's a kind of salute from Guernica to Portbou, or to Portbou from Portbou to Guernica. Yes. And I like so this way to go to the memorial, having this step there. And it has been made 20 years ago by a local plumber, a craftsman of Portbou, who collected all the leftovers of his practice. And he reached, because it's very close to the original tonality of the Picasso's painting. Okay. And it's incredible to make this copy, you know, not at all in painting, but in these materials, you know, and just putting them together. It's a kind of collage. Yes. That also that makes you thinking, you know. And this guy, I met him one day, I was there with friends, in front of that, he said, "Tu aimes ça?" He said, "Excuse me, yes, I appreciate even very much." But he was so angry and violent. I did it myself. Ah, congratulations. You know, it was not an adversary of the thing, but on the contrary, he was so proud. But the way to express his proudness, oh, it's good pizza. Yeah. Oh, that's great. Jean-Paul, je peux me demander de prendre un peu de mon bébé, c'est la lampe de la page. The more we stay free, the architecture remains on one side, the other open onto the sea, and finally we are lost, you know, in the natural condition of the rock. Le maître. Est-ce que je peux regarder? Il est à 5 mètres devant moi. Il faut mettre à côté. Ouais, je sais bien. Ils sont les Zelenes, Modric, Romain. Et si nous, tout à coup, nous stoppons sur le télévision écran. Nous ne sommes pas prénovés, les Zelenes, Paola. Nous sommes partis sur Stramini. Tous vont. On va passer par la tour Carole, ici. Je ne sais pas ce qu'il en était dans les années 30. Oui, mais... N'importe quoi. You're definitely going to get the atmosphere. No. Thank you. hier, ça a changé les courants et pas ce souvenir là. Repeated two times in the cemetery because there is the main part is for the Catholic. Okay. And there is a little cemetery in a little adjunction, you know, in which were buried the Freemasons, the Protestants, the non-Catholic. Okay. And Benjamin as a Jewish should have been buried in that part. Yeah. But they misunderstood his name. Not Walter Benjamin, but Benjamin Walter. Yes. You know? Yeah. So yeah. Benjamin is a very Christian name, you know. So he was buried in the Catholic part of the, and when he was removed from the tomb 63 on top, he was put here in the fausse commune, oh. Tu vois? Mm. And there he disappeared forever, completely, because we don't have even like all these tombs, the memory of somebody, you know. C'est la fausse tombe. Oui. Donc les gens ici disaient il est abandonné, personne ne s'occupe de lui, on récupère. Et ils l'ont mis dans la fosse commune. Oui, et il y a l'anecdote qu'on l'a inscrit à la lettre W. Et oui, parce qu'ils pensaient que c'était Benjamin Walter. Benjamin, c'est un prénom très catholique. Ouais. Tandis que Benjamin, ça c'est sémite. Oui, parce que les Arabes c'est, aussi. Ça fait partie de ces... kaléidoscope, de signification, mais sa disparition dont on ne peut pas dresser une espèce d'interprétation univoque, comme oui, je disais tout à l'heure pour en caravane, oui. Mais autant que les gens s'approprient ces monuments et se font leur, comme on dit en allemand, se font leur rime. Descente dans le mémorial avec un Pascal en dessous tout en bas. Un peu, ouais. Oh.